ses principaux collaborateurs pour vous offrir une rétrospective de l'année tout à fait exceptionnelle. Et on sera en onde même le 25 décembre et le 1er janvier. C'est des entrevues qui ont été faites avant la période des fêtes. Donc on revient le 4 janvier. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes, une belle année 2017 et beaucoup de bonheur. Et on se reparle le 4 janvier.